quelqu'un quelque part, enseveli sous les clameurs. Tu travailles dur pour y arriver, le succès n'a temple que toi. Tu ferais tout pour être invité à la table de ces rois. Qui seras-tu si le monde est plus grand sans toi? Que feras-tu si tes espoirs marquent le pas? Avec peut-être du talent, tu es fougueux comme un pur sang, sans savoir si c'est suffisant. Qui pourrait te donner la formule pour faire sortir le bon génie de cette bouteille pleine de bulles, aussi éphémère que jolie? Qui seras-tu si le monde est plus grand sans toi? Que feras-tu si tes espoirs marquent le pas? Plus applaudis,